Il emporte mon amour, c'est mon amour qui s'en va. J'ai gardé ce mouchoir bleu, le souvenir d'un poème. Et je marche malheureux, que je l'aime, que je l'aime. Moi l'amour 1830, pathétique, romantique, je trouvais ça démodé. Moi l'amour 1830, je n'ai pas su le comprendre, et je reste malheureux, malheureux. J'ai voulu vivre au présent, un amour du temps passé. Quand on contrarie le vent peut tout déchirer. Moi l'amour 1830, pathétique, romantique, je trouvais ça démodé.